cette chanson, ça chante pas. L'intérêt, je ne le vois pas. Ben, l'intérêt, il n'y en a pas. C'est juste des tra-la-la-la-la. Ça chante pas. L'intérêt, je ne le vois pas. L'intérêt, il n'y en a pas. Moi, ça me va très bien comme ça. Joli feu de bois et on dansera comme des rois.